Le patron est le moukouyou. Des sorts jetés, tant de morts sur la jetée. Prier, crier de souffrance, mon corps veut lâcher. Je veux marcher auprès de l'éternel. Ne plus me faire acheter et fuir les querelles. Dans un monde qui ne pardonne pas, sans foi ni loi, Tatanzambe, ici bas, on a besoin de toi. Richesse, la gloire là-haut, pas de mauvais esprit, ni de bleu, ni de...